Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Alors nous allons assez rapidement revenir sur le passé. Il faut savoir que Clotaire, en 614, devient le roi incontesté du Regnum Francorum. Il a réussi à s'imposer contre ses deux cousins Tibère et Thierry. Et il a même massacré toute la descendance de Thierry. Il a mis la main sur Brunehaut, la fameuse reine d'Austrasie, une femme considérable et dont les compétences d'administratrice avaient été reconnues même par ses pires ennemis, la juge et évidemment la condamne à mort. Bon, le problème de Clotaire, c'est qu'il aura toujours du mal à imposer sa légitimité, non seulement auprès des siens, mais en plus auprès des nobles austrasiens, qui d'ailleurs contestent non seulement le fait qu'il est leur roi, mais en plus sa véritable filiation avec Chilpéric. On sait qu'il y a encore des doutes sur le fait qu'il est éventuellement vraiment le fils de Chilpéric. Certains disent qu'il est en réalité un fils adultère de Frédégonde, et que Frédégonde aurait assassiné Chilpéric pour cacher cet adultère à son mari. Donc ça, c'est un peu le drame d'ailleurs de Clotaire II, c'est qu'il n'arrivera jamais vraiment à poser sa légitimité auprès des grands du royaume et encore moins auprès des grands d'Austrasie. Alors c'est pour ça qu'en 614, juste un an après le procès de Brunehaut, Clotaire rassemble les grands du royaume d'Austrasie et leur présente la fameuse décrétion de Clotaire, un édit royal qui leur concède des droits. C'est l'occasion d'ailleurs dans ce podcast de parler de deux textes extrêmement importants qui représentent un véritable basculement dans ce haut Moyen Âge et qui met fin à cette période de transition entre la fin de l'Empire romain et finalement le début du Moyen Âge. On peut dire qu'on rentre vraiment dans le Moyen Âge et avant on était dans une sorte de période intermédiaire un peu longue et pénible. Pourquoi? Alors, donc ces deux textes, donc le premier, c'est un texte qui s'appelle les Décrétions de Childebert et qui a été proclamé par le jeune Childebert, il a 20 ans à cette époque-là, sur le Champ de Mars, devant une assemblée de nobles austrasiens et de nobles bourguignons. Et il proclame donc cette Décrétion de Childebert. Et c'est une Décrétion considérable, qui a une importance considérable. Et l'autre décrétion très importante, c'est celle donc de Clotaire, qui est proclamée par le roi Clotaire en 614, devant à nouveau une assemblée d'Austrasiens, de Bourguignons et de Neustriens, toujours à Paris. Paris est vraiment la ville. Paris est investi d'une grande force symbolique, puisque c'est à Paris même que Clovis a promulgué la loi salique. Donc si on veut réformer la loi salique, et c'est l'ambition de ces deux décrétions, eh bien, il faut le faire à Paris, par excellence. Alors, nous allons comparer donc ces deux textes. Alors, en ce qui concerne le contexte, les contextes sont assez différents. La décrétion de Childebert, qui est proclamée en 595, est donc promulguée dans un royaume austrasien et bourguignon qui sont sous la férule de la fameuse reine Brunehaut. Et à cette époque-là, ce royaume connaît une véritable prospérité. La légitimité royale n'est pas remise en question. Les grands du royaume sont soumis. Tout se passe très bien. En 614, c'est le contraire. Ça se passe à Paris. Le roi est Clotaire. Et le roi a une. Alors, il a un pouvoir beaucoup plus étendu, puisqu'il est à la tête d'un énorme royaume. Mais en même temps, sa légitimité est remise en question. Les puissants du royaume sont encore plus puissants qu'avant, et ils ont des moyens de faire savoir leur désaccord. Concernant la forme, par contre, les deux textes sont très semblables. D'abord, ce sont deux édits royaux, c'est-à-dire des textes législatifs d'origine royale, qui, à l'inverse de l'ordonnance, peuvent porter sur divers sujets. L'objet des décrétions est le même, réformer d'une part la loi salique, et d'autre part, une partie d'un corpus de règles en vigueur dans l'ancienne Gaule, constitué en vrac de droit romain, germain et ecclésiastique. La langue est du bas latin, du latin d'église et du latin germanisé, C'est-à-dire que qu'il y a des expressions, des phrases entières en allemand, mais sous une forme latine. Il est possible que certains textes contiennent les nouvelles lettres que Chilpéric, qui se prenait pour l'empereur Claude, avait ajoutées à l'alphabet latin pour inclure des prononciations germaniques, comme le W, le THE ou le AE. Les deux décrétions contiennent en moyenne une trentaine de canons, c'est-à-dire des normes qui, pour une commodité de lecture, sont numérotées. Enfin, le travail de recherche dans les deux cas a dû être extrêmement long et fastidieux pour les juristes. S'agissant du fond, les deux textes présentent des différences notables. Et c'est là qu'il faut donc un peu s'accrocher. La décrétion de Childebert en 595, au Pactus Legis Salicae, où l'on voit surtout l'influence d'ailleurs de Brunehaule, représente un véritable saut qualitatif sur plusieurs niveaux. Le plus impressionnant est l'affirmation sans ambiguïté de l'égalité de statut entre Francs et Gallo-Romains. Ils peuvent réclamer la même part d'héritage, l'accès à toutes les fonctions du royaume sans réserve, militaire, civile. Dans le domaine de la justice, la fède, cette vendetta germanique, cette guerre privée de vengeance, est considérée comme hors la loi. Il est juste que celui qui a tué injustement apprenne à mourir justement, dispose l'édit. Dans le domaine de l'administration et de la police, on perçoit une reprise en main royale. Les nobles doivent rendre compte de la gestion de leur seigneurie. Les routes et anciennes voies romaines sont financées par la couronne. D'où, dans certaines régions de France, les chaussées Brunehaute. C'est des chaussées financées par le roi d'Austrasie. À la place de la police seigneuriale, inégale et chapardeuse, la décrétion crée l'institution des centeniers. Dans le domaine d'un canton, ces officiers, donc ces centeniers, occupent le poste de commissaire de police et du juge de paix. Leur but est de poursuivre les malfaiteurs et éviter le recours à la justice privée. Enfin, on sait que Brunehaut était ami avec Radegonde, qui avait été mariée de force à Clotaire Ier, et elle en avait gardé un très mauvais souvenir. Eh bien, on voit cette amitié se refléter dans cette décrétion de Childebert, preuve s'il en est que ce texte est bien celui de Brunehaut, puisque désormais, il est reconnu que les femmes ont le droit de ne pas être mariées de force. D'ailleurs, droit qui n'est pas remis, qui ne sera pas remis en question dans la décrétion de Clotaire, en 614. C'est donc véritablement un texte qui implique de grands changements. Par contre, on voit poindre aussi une société, un texte aussi qui reflète un peu cette société de caste où il y a des inégalités qui se creusent, non plus d'ailleurs tant entre Francs et Gallo-Romains qu'entre serfs, entre hommes libres et entre nobles. En effet, dans le cas par exemple d'un vol, si le voleur est un noble, il sera décapité. Si le voleur est un roturier ou n'est pas noble, il sera forcément pendu. La décrétion de Clotaire, elle, qui va faire d'ailleurs l'objet d'un prochain podcast, porte sur un sujet légèrement différent. Mais l'esprit est à peu près le même. Nous allons voir en quoi ce texte est aussi un texte remarquable du Haut Moyen Âge. Merci et à bientôt.